17.4, production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du deuxième personnage. 1. Écoutez. Vous vous appelez Taylor? Mais ça veut dire tailleur, ça, en anglais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et maintenant, c'est à vous. Vous vous appelez Taylor? Mais ça veut dire tailleur, ça, en anglais. Deux. Écoutez. Et puis, il y a aussi le berger, comme celui qui s'occupe des moutons. Et puis, mineur, marin. Marin? C'est ce que je voulais être quand j'avais 12 ou 13 ans. Marin? C'est ce que je voulais être quand j'avais 12 ou 13 ans. Marin? C'est ce que je voulais être quand j'avais 12 ou 13 ans. Et maintenant, allez-y. Et puis, il y a aussi le berger, comme celui qui s'occupe des moutons. Et puis, mineur, marin. Écoutez. Cette gamine est insupportable. Heureusement qu'elle sait nager. Elle va sûrement devenir championne de natation. Elle va sûrement devenir championne de natation. Elle va sûrement devenir championne de natation. Et c'est à vous. Cette gamine est insupportable. Heureusement qu'elle sait nager. Écoutez. Ou bien, elle va faire de l'exploration sous-marine avec l'équipe de Cousteau. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. À vous maintenant. Ou bien, elle va faire de l'exploration sous-marine avec l'équipe de Cousteau.